Manon était occupée à lire. Ce fut là que j'eus lieu d'admirer le caractère de cette étrange fille. Loin d'être effrayée et de paraître timide en m'apercevant, elle ne donna que des marques légères de surprise, dont on ne pas le maître à la vue d'une personne qu'on croit éloignée. « Ah, c'est vous, mon amour !» me dit-elle en venant m'embrasser avec sa tendresse ordinaire. « Bon Dieu, que vous êtes hardi ! Qui vous aurait attendu aujourd'hui dans ce lieu ?» Je me dégageai de ses bras et, loin de répondre à ses caresses, je la repoussai avec dédain et je fis deux ou trois pas en arrière pour m'éloigner d'elle. Ce mouvement ne laissa pas de la déconcerter. Elle demeura dans la posture où elle était. Elle jeta les yeux sur moi en changeant de couleur. J'étais dans le fond, si charmé de la revoir, qu'avec tant de justes sujets de colère, j'avais à peine la force d'ouvrir la bouche pour la quereller. Cependant, mon cœur saignait du cruel outrage qu'elle m'avait fait. Je le rappelai vivement à ma mémoire pour exciter mon dépit, et je tâchai de faire briller dans mes yeux un autre feu que celui de l'amour. Comme je demeurai quelque temps en silence et qu'elle remarqua mon agitation, je la vis trembler, apparemment, par un effet de sa crainte. Je ne pus soutenir ce spectacle. « Ah, Manon, lui dis-je d'un ton tendre, infidèle et parjure Manon, par où commencerai-je à me plaindre? Je vous vois pâle et tremblante. Je suis encore si sensible à vos moindres peines que je crains trop de vous affliger par mes reproches. Mais, Manon, je vous le dis, j'ai le cœur percé de la douleur de votre trahison. Ce sont là des coups qu'on ne porte point à un amant quand on n'a pas résolu sa mort. Voici la troisième fois, Manon. Je les ai bien comptés. Il est impossible que cela s'oublie. C'est à vous de considérer, à l'heure même, quel parti vous voulez prendre, car mon triste cœur n'est plus à l'épreuve d'un si cruel traitement. Je sens qu'il succombe et qu'il est prêt à se fendre de douleur. Je n'en puis plus, ajoutai-je, en m'asseyant sur une chaise. J'ai à peine la force de parler et de me soutenir. » Elle ne me répondit point, mais, lorsque je fus assis, elle essaya de tomber à genoux et elle appuya sa tête sur les miens en cachant son visage de mes mains. Je sentis en un instant qu'elle est mouillée de ses larmes. Dieu, de quel mouvement n'étais-je point agité? Ah, Manon, Manon, repris-je avec un soupir, il est bien tard de me donner des larmes lorsque vous avez causé ma mort. Vous affectez une tristesse que vous ne sauriez sentir. Le plus grand de vos maux est sans doute ma présence, qui a toujours été importune à vos plaisirs. Ouvrez les yeux, voyez qui je suis. On ne verse pas des pleurs si tendres pour un malheureux qu'on a trahi et qu'on abandonne cruellement. »